Bon, allez, mets de la musique. Allez. Merci Réro. T'es beau, hein, quand même. Merci. Ouais, t'es beau. Merci. Non, mais t'es beau. Flash Info. Salut, c'est HK, le saltimbanque. Il est là, il est beau, il est tout frais, il est nouveau. Il vient de sortir le nouvel album d'HK et les saltimbanques, Rallumeur d'étoiles. C'est en exclusivité, ou presque, ça dépend des jours, sur Radio Campus. Un petit baiser vainé, de rouge à lèvres, couleur asthmatique. Sur le velours, il n'y a plus qu'à jouer. Accroché au bas, shooté par la musique. Il sera bientôt minuit, dans 24 heures. Rose couche Pfizer. Oh, le docteur, bien trop seul ce soir. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les rapataires qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir. Vous êtes dans l'émission La Voix sans maître sur Radio Campus Lille 106,6 MHz. Et comme tous les vendredis soirs, ou presque, du coup, l'émission du Centre culturel libertaire et de tous les anarchistes de la Terre. Et voilà. Et comme tous les soirs, on va commencer par l'agenda. L'agenda politique et militant et des soirées de concert du Centre culturel libertaire. On peut aussi rappeler que pendant les pauses musicales, c'est possible de nous appeler au 03 20 91 24 00. 03 20 91 24 00. Ok, et du coup, commençons cet agenda par une soirée qui a déjà commencé au Centre culturel libertaire depuis 18h. Peut-être qu'on pourra même faire... Non. Bon, peut-être qu'il y avait des gens qui y étaient. Qui sont ici. Oui. Tu pourras nous faire un compte-rendu en direct du début de la soirée. Et du coup, c'est une soirée de soutien à une brochure sur le papillomavirus dont le sous-titre est « De la prévention au cabinet musical, récit d'un contrôle de nos corps et de nos sexualités ». Ça a commencé à 18h par une présentation de cette brochure. Et ça poursuit maintenant et jusqu'au bout de la nuit peut-être, ou peut-être pas, avec un effeuillage burlesque de Lou Kick, un tour de chant de chansons féministes par l'intruse, du Youpi Punk avec Macache et une boum pour finir la soirée. C'est au Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar à Lille, et c'est du coup, l'entrée est à prix libre, c'est-à-dire que chacun, chacune est invité à donner ce qu'il ou elle veut, peut. Voilà, et ça se poursuit, cet agenda, le lendemain, le samedi 9 mai à 15h, au Centre culturel libertaire toujours, avec une université populaire qui traitera cette fois-ci de « Qu'est-ce que le fascisme ?». Voilà, donc comment ça se traduit, comment ça arrive, y a-t-il plusieurs fascismes, etc. Et donc, c'est en parallèle avec la bibliothèque du Centre culturel libertaire, qui est ouverte tous les samedis après-midi et tous les mardis après-midi de 16h. Le mardi, c'est de 16 à 19 et le samedi, c'est de 15 à 18. Voilà. Et ça n'en finira pas ce jour-là au Centre culturel libertaire, puisque à 20h30, il y aura à nouveau un concert, beaucoup de concerts ce mois-ci au Centre culturel libertaire, j'allais dire cette année, mais c'est vrai aussi. À 20h30, donc, avec trois groupes. Le premier, c'est Moulbeat, du Moule Rock de Nevers, de la Nièvre. La Race, Noise Rock d'Amiens. Et Made in Canada, du Noise Rock, qui, de manière un petit peu trompeuse, est fait à Paris. Oui, et ça c'est toujours au Centre culturel libertaire et c'est demain. Et l'agenda se poursuit avec un rencard dimanche où on en recausera sans doute un petit peu plus dans le reste de cette émission. Mais on va le mentionner quand même dans l'agenda. Du coup, un rencard à l'univers, cette fois au 16 rue Danton, métro Porte de Valenciennes, quelque chose comme ça. Avec à 19h la projection d'un film dans le cadre d'une soirée de soutien à une revue qui s'appelle L'An 02. On en reparlera plus longuement dans la suite de cette émission. Et juste mentionner que ce film, ça s'appelle Anaïs s'en va en guerre, qui est un film de Marion Gervais, date de l'année dernière et qui dure 45 minutes. On en recausera tout à l'heure. Très bien. Et dans la série des films, lundi 11 mai, cette fois au Kino Ciné, dans la fac de Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq, métro Pont-de-Bois, la projection débat autour du film Citizen 4, qui est du coup le documentaire de Laura Poitras, qui date de cette année et qui parle de l'affaire Snowden. Peut-être que tu peux plus nous en dire un mot. Tu l'as vu par exemple. Peut faire un peu. Bah oui, j'ai vu effectivement ce documentaire cinéma. Et qui a, c'est peut-être vaut la peine de dire que ça a reçu l'Oscar du documentaire de cette année. Et de quoi ça parle en fait? Ça suit, c'est un document assez exceptionnel parce qu'il suit les décisions prises et les actions faites par Edward Snowden, donc qui était un sous-traitant de service de renseignement américain et qui décide de livrer à des journalistes des documents sur le fonctionnement de la NSA et notamment qui montre la mise en place de systèmes de surveillance généralisée de la population, non seulement la population du monde entier, mais également de la population américaine, et également qui montre aussi toutes les collaborations et une partie des projets de différents pays alliés des États-Unis, notamment la France, donc toutes ces collaborations entre services de renseignement du monde contre la population. Voilà, donc ça a donné lieu à nombreux débats et voilà. Donc Edward Snowden, ce qui est très intéressant et ce qui rend le documentaire aussi absolument unique, c'est que Laura Poitras était en contact avec Edward Snowden avant qu'il décide de fuiter ses documents, et également que du coup elle est dans la chambre d'hôtel à Hong Kong avec lui et d'autres journalistes, et donc pendant que les choses se faisaient, elle pouvait filmer. Donc c'est un document vraiment assez incroyable qui montre, on peut dire tout simplement, le courage délirant de ce Edward Snowden qui est pas du tout délirant. Et du coup cette projection de débat là, ça vient aussi, ça sera aussi l'occasion de discuter de la loi de renseignement qui sera votée le 5 mai, mai. L'Assemblée nationale a une très large majorité, Verts, PS, UMP, PC confondus ont voté le projet de loi sur le renseignement qui instaure les mêmes bêtises que ce qui a été fait aux États-Unis après les attentats contre le World Trade Center en 2001. Et ça c'est du coup le rencard, c'est lundi 20h au Kino Ciné à Villeneuve-d'Ascq. Et du coup cet agenda se continue avec ce lundi, si vous ne voulez pas aller au cinéma, un nouveau concert au Centre culturel Libertaire avec trois groupes qui vont jouer très fort. Un groupe qui s'appelle le Cupcake, qui est du hardcore punk fastcore de Saint-Étienne. Un groupe de tournée qui s'appelle Full Contact, qui est cette fois du punk hardcore. Et enfin, un dernier groupe qui cette fois vient de Lille et joue du fastcore, qui s'appelle Sévis. Voilà, ça promet d'être bien. Ça promet une bonne soirée. Et c'est avec aussi... des bouchons, enfin pour les personnes qui en ont besoin. Alors, ouais. Le mercredi 13 mai à 20h30, toujours au Centre culturel Libertaire, comme je disais, il y a énormément de concerts ce mois-ci, mais aussi plein de soirées de soutien et plein de soirées très intéressantes et de sujets très intéressants au Centre culturel Libertaire. Qui, moi, je tiens à dire que le Centre culturel Libertaire a un dynamisme en 2014-2015 qui est tout à fait impressionnant. Voilà, je le dis, sachant que je ne suis pas membre de ce Centre culturel Libertaire. Alors, du coup... Ça commencera. Disons qu'il y a trois groupes qui joueront, je ne sais pas dans quel ordre. Le premier, c'est du noise rock de Metz, ça s'appelle Le Singe Blanc, et c'est très bien. Ensuite, il y a du black punk de Grenoble, ça s'appelle Satan, et j'en sais rien. Et ensuite, il y a le 202 Project, qui est du dark wave de Saint-Étienne. Yes, et on a oublié de l'écrire dans cet agenda, mais on peut le rappeler quand même que, comme tous les mercredis, à 18h30, il y a la manifestation du comité des sans-papiers 59. Du coup, le rancard, c'est Place de la République à 18h30, et du coup, la manif hebdomadaire pour soutenir les sans-papiers, sans-papières en lutte. Du coup... Poursuivons cet agenda avec un rencard ce vendredi 15 mai, toujours au Centre culturel Libertaire, 4 rue de Colmar à Lille, métro Porte des Postes, avec une nouvelle soirée de soutien, cette fois une soirée de soutien aux deux déboulonneurs lillois qui préparent leur procès pour barbouillage et refus d'ADN. Du coup, premier procès pour les déboulonneurs lillois après plus de 9 ans d'activisme. Et un procès qui aura lieu le 9 juin prochain à 14h au tribunal correctionnel de Lille. Peut-être ça vaut la peine d'expliquer ce que c'est qu'un peu l'activité des déboulonneurs. Les déboulonneurs, en fait, ont comme mode d'action, comme objectif de faire en sorte que les publicités, au moins les publicités interdites dans la ville, soient effectivement retirées de la ville. Et puis, le mode d'action, c'est tout simplement de barbouiller ou de retirer, mais souvent de barbouiller plutôt, tous ces affichages illégaux et d'aller et d'attendre qu'effectivement il y ait un procès pour que soit reconnu le fait que ces affichages étaient illégaux. Voilà. Donc l'un des modes d'action, c'était celui-là d'obtenir un procès. Et du coup, maintenant, il faut voir ce que va donner ce procès. Voilà. Audience. Du coup, le soutien pour justement préparer le procès et notamment avoir de l'argent pour payer les frais de justice et d'avocat, je pense, c'est... Du coup, la soirée, c'est le vendredi 15 mai au CCL à partir de 20h30. Ça sera l'occasion d'en discuter avec elle et eux. Et il y a plusieurs concerts, dont un groupe qui s'appelle le White Horse Band. Peut-être rajouter encore, alors j'espère que j'ai pas dit de bêtises déjà sur les déboulonneurs, mais que quand même c'est aussi quelque chose qui est assez puissant dans leur mode d'action, c'est que ça fait 9 ans que en réalité ils vont dans la rue et avec des bombes de peinture ils écrivent des messages anti-publicitaires et souvent anti-capitalistes dans la rue au vu et au su de tout le monde, ce qui donne quand même une certaine couleur d'illégalisme et de moquerie en plein jour face à l'obligation publicitaire. Voilà. Donc il y a plusieurs facettes qui sont très intéressantes dans leurs objectifs et leur mode d'action. Yes, et du coup, on va terminer cet agenda avec un dernier concert au Centre culturel Libertaire le samedi 16 mai à 20h30, avec cette fois encore trois groupes, en tout cas trois projets. Un groupe qui s'appelle Svin, qui est du free jazz punk rock qui vient tout droit de Copenhague. un groupe qui s'appelle, un groupe plutôt, une personne qui s'appelle Richard Comte, et c'est Richard Comte Solo Inner Map, qui est du coup un solo de guitare expérimentale qui vient de Paris cette fois. Et le dernier solo, c'est Jason Van Gulik, qui est un solo de batterie expérimentale, cette fois de Bruxelles. C'est à prix libre. On peut rappeler, puisqu'on ne l'a pas mentionné dans l'agenda, mais qu'il y a plusieurs rendez-vous qui sont réguliers dans la semaine, notamment toute une série de rencarts où on peut venir manger au Centre culturel libertaire. Donc ça commence le lundi entre midi et 14h, 14h30, mais c'est mieux si vous venez entre midi et 14h. Et à partir de 13h30, il y a vraiment moins de chances que vous ayez beaucoup à manger. Voilà, donc c'est vegan, donc c'est-à-dire sans produits d'origine d'exploitation animale, et c'est à prix libre, donc entrée, plat, dessert. C'est également le vendredi la même chose, et puis tous les jeudis matins entre 7h et 9h30 il y a un petit déjeuner également végétalien, donc vegan, et également à prix libre. Voilà, il faut peut-être aussi noter, alors c'est au Centre culturel libertaire, mais il y a également tous les jeudis soirs à l'Insoumise, voilà, qui est rue d'Arras, 10 rue d'Arras, je crois. Un truc comme ça, oui. Eh bien, il y a aussi une cantine végétalienne à prix libre tous les jeudis soirs, entre 20h et 22h. Yes, et dans les autres rencarts hebdomadaires, il y a la bibliothèque du CCL, qu'on causait tout à l'heure, qui est ouverte les mardis de 16h à 19h et les samedis de 15 à 18, où il y a plein de livres à emprunter. Et puis voilà, peut-être qu'on peut rappeler qu'on peut retrouver une bonne part de ces infos sur plusieurs sites, notamment lille.cybertaria.org, lille.cybertaria.org, lille.indymedia.org, lille.indymedia.org. Et puis voilà. Et puis du coup, on va passer un petit morceau de musique et on rappelle qu'on peut nous appeler pendant cette pause musicale au 03 20 91 24 00, 03 20 91 24 00. Qu'allons-nous écouter ? Eh ben, ce que j'ai trouvé dans ta mallette au trésor USB, c'est du Malvina Reynolds. Eh oui, ça s'appelle. Alors du coup, on va écouter... Il y en a 9 et 2, c'est Randim. On peut mettre celle-là. Alors ouais, du coup, Malvina Reynolds, c'est une vieille chanteuse de folk des années 60. Et alors cette chanson-là, Randim, c'est une chanson sur la Rand Corporation, qui est du coup la Rand Corporation, le think tank de l'armée états-unienne juste après la Seconde Guerre mondiale, qui est un des think tanks américains dans lesquels on a théorisé notamment la stratégie militaire des États-Unis dans la guerre froide. Notamment, c'est dans ce think tank qu'on a fait les calculs de qu'est-ce que ça peut donner une guerre nucléaire, et on a théorisé sur le développement industriel et plein d'autres joyeusetés. Et du coup, cette chanson de folk se moque joyeusement de cette Rand Corporation. C'est parti, on se retrouve dans 2 minutes. The Rand Corporation's the boon of the world. They think all day long for a fee. They sit and play games about going up in flames. For counters they use you and me, honeybee. For counters they use you and me. It's so nice to know we have Rand on our side. We'll always have good old Rand around. A zillion will be fried out, but in some neat hideout, Rand will be safe underground. Praise the Lord, Rand will be safe underground. With the stroke of a pen, they can change us from men to numbers that flash on the wall. These brainy heroes transform us to zeros, so who gives a damn if we fall after all? a damn if we fall. Their superior genes will be safe behind screens, with the rest of our line doomed to die. They'll be all sorted out, past a shadow of doubt, by the all-wise electronic eye. Bow down to the mighty electronic eye. They will rescue us all from a fate worse than death, with a touch of the push-button hand. We'll be saved at one blow from the designated foe. But who's going to save us from Rand, dear Lord? Who's going to save us from Rand? Eh bien... Vous êtes de retour dans l'émission La Voix sans maître, l'émission des anarchistes de Lille, de partout et d'ailleurs. Et on a la chance ce soir d'avoir la coordinatrice éditoriale de la revue L'An 02. Et donc nous allons, à l'occasion de la sortie de son, du nouveau numéro de L'An 02, nous allons la bombarder de questions. Enfin, plutôt Lénie déjà pour commencer. Et voilà, et c'est parti. Et si vous avez des questions pendant la prochaine pause musicale, n'hésitez pas à nous appeler. Très bien. Cool. Bonsoir. Salut. Eh ben ouais, du coup, c'était l'occasion de recoser de L'An 02. On avait déjà causé au moment de la sortie de l'avant-dernier numéro, du coup. Ouais, qui s'appelait Qui est réac et qui est moderne, et qui portait sur... sur, on va dire, les tensions entre réaction et modernité qui partageaient l'écologie politique et la critique de la technique. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. C'est ça. Grosso modo, on disait que c'était pas... c'était de revenir aussi sur, je sais pas, par exemple, la critique assez récurrente et chiante de l'écologie qui veut revenir à la bougie, et, mmh. mais en même temps, de voir qu'est-ce que... de voir comment c'était possible de faire une critique du développement industriel, notamment sans... enfin, de voir qu'est-ce que c'était possible comme tension, ça. Oui, on avait un peu prouvé que les vieux réacs n'étaient pas où on les attendait. Par exemple, on avait ressorti du formol des discours pronucléaires des années 50 et 60. Et en fait, on s'était vraiment rendu compte que c'était cette modernité-là, elle avait vraiment vieilli, en fait, et qu'on nous la servait toujours. Donc, d'une certaine manière, c'était elle qui sentait un peu le moisi, et que finalement, les écolos et les critiques de la technique qui apparaissent parfois comme de vieux réacs sont plutôt des gens qui nous aident à débusquer des idées ainsi, quoi. Yes. Et du coup, là, ce nouveau numéro, le thème, c'est altercapitalisme. Du coup, peut-être on peut revenir sur qu'est-ce que on entend par là, et puis surtout sur parce que altercapitalisme, du coup, l'objet, c'est vraiment de faire une critique de ça dans ce dossier, par à travers différents biais que peut prendre des discours ou des postures altercapitalistes. Peut-être on peut revenir d'abord sur qu'est-ce qu'on entend par altercapitalisme. Oui, altercapitalisme, c'est le mot sous lequel on a... C'est un mot un peu slogan, en fait. C'est un mot qui est facilement récupérable. C'est un mot d'ailleurs dont on ne sait pas... C'est pas moi qui l'ai mis en avant, en fait. C'est Patrick Marcolini, avec qui j'ai conçu ce dossier, dont on ne sait pas, en fait, si c'est une manière de... Enfin, si c'est altercapitalisme, si c'est des gens qui sont anticapitalistes, ou si c'est le capitalisme qui a juste assez bougé pour se donner une forme plus sympatoche et tout. Donc en fait, c'est un titre assez assez ambigu, et qui travaille en fait sur les ambiguïtés, en fait, d'un certain, enfin, anticapitalisme, avec l'idée qu'en fait on fonctionne on fonctionne sur dans un système libéral, plutôt individualiste, dans lequel les rapports de force entre les classes sociales sont pas mal gommés, et qui finalement prépare un peu le terrain avec une compatibilité au capitalisme. Et du coup, on a pris quelques grands champs d'intervention des anticapitalistes, Et puis on est allé voir, notamment dans l'écologie politique, on est allé voir la bio, on est allé voir le développement personnel, l'écologie urbaine. Mais on est allé voir aussi côté revenu garanti, autogestion. Et alors un truc qui intéressera plus les anars aussi, on est allé voir l'autonomie. Et les usages de l'autonomie et du concept d'autonomie. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait bien hurler sur le fait que le capitalisme dévoie tout et récupère tout. Mais en même temps, on lui offrait des prises qui étaient qui rendaient sa tâche plutôt facile. Quoi. Yes. Et du coup, ce dossier, il commence par une illustration qui est plutôt assez chouette et réussie et qui illustre assez bien cette affaire-là, je trouve. C'est du coup un dessin de ce qui représente un écran de smartphone et avec une petite application Révolution et qui du coup montre bien que derrière l'altercapitalisme, donc du coup je sais pas s'il y a vraiment des gens qui se revendiquent de cet étendard-là, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas trop si du coup c'est un étendard qui est porté par des gens ou si c'est plutôt une manière de désigner des pratiques et des postures de gens qui se revendiqueraient pas complètement comme ça. Et des gens qui se revendiquent du capitalisme à visage humain. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que c'était ça. C'était ceux qui étaient. Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée et ça a été. C'est plutôt la révolution comme ouais. Tu joues. Comme on joue sur son smartphone, ouais. On prend l'application Révolution. Ouais, ça a été mis en forme par Guillaume Trouillard, qui est un chouette dessinateur en fait, qui est éditeur aussi des éditions de La Cerise, qui a plein de bouquins dans les rayons, dans les très bonnes librairies de bande dessinée. Et voilà, c'est moi qui lui ai soumis le truc avec. En fait, c'est une idée visuelle, donc. Donc c'est assez ambigu, tu peux le voir de certaines manières, de manière différente et tout. Moi j'avais un petit peu en tête aussi tous les discours un peu technophiles en fait, qui font se rejoindre technophilie et révolution mondiale en fait. Oui. Et puis, puisqu'en fait, c'est un truc sur lequel on a pas mal construit l'an 02, c'est-à-dire, c'est un slogan, c'est « on débranche tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Et notamment, on a pas mal élaboré ça suite à des conflits sur la question de « est-ce que Facebook, en fait, fait la révolution ?» quoi. Et du coup, il y a un petit truc de ça qui reste, en fait. Est-ce que Che Guevara ou Edward Snowden, quoi. C'est un peu ce genre de truc un peu moqueur par rapport aux manières de faire la révolution aujourd'hui, quoi. Qui sont vachement... Et notamment c'est l'usage des TIC qui est pas mal mis en avant. Technologie de l'information et de la communication. Oui. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. Mais en revanche, il y a cette idée que la révolution est un produit aussi, enfin que vous trouvez dans les boutiques Apple et tout ça. Ouais, il y avait un truc comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on se rappelle que la publicité d'Apple dès les années 80, c'était ceux qui ont détruit les livres, ceux qui ont brûlé les livres voudront détruire les ordinateurs, avec une publicité qui était anti-1984, mais c'était donc c'est complètement effrayant quand on voit à quel point Apple a été en fait une entreprise pionnière dans la mise en place de systèmes de contrôle des utilisateurs et des utilisatrices, enfin des clients et clientes de leurs services. Ouais. Et Apple, il y a encore 10 ans, quoi, avait l'air d'un truc altère, quoi. C'était le slogan, c'était Think Different à l'époque. Et il y avait vraiment la petite communauté des gens, des usagers, des clients en fait de Apple qui se voyaient comme une communauté un peu politique de gens qui sont contre les monopoles et tout ça. Quoi. Contre, alors c'est effrayant en fait. Contre le monopole de Microsoft, ouais. Windows. Ah ouais. Et puis du coup, le slogan de IBM aussi qui est rendre le monde meilleur. Quoi. Il me semble que c'est ça. Hein. Il y a les solutions pour une petite planète, je sais plus quoi. Ouais. Plus intelligent, je sais plus quoi. Bon. Sachant que IBM, par ailleurs, est bien vu dans la construction de systèmes pour la prévision des crimes aux États-Unis. Ils font beaucoup d'argent en vendant aux municipalités des systèmes qui vont pouvoir leur dire dans quel quartier, dans quelle rue, à quel moment il va y avoir des crimes dans leur ville, et pouvoir anticiper qui sera un criminel. Donc IBM, quoi. Mais bon, ils ont un long et un lourd passif, IBM, hein, puisque c'est eux qui avaient mis en place, en plus en tentant de se dissimuler, les systèmes de gestion des camps de concentration. Non, on n'a pas trop parlé dans la revue du fait que, par exemple, des libertaires et des consuméristes technophiles peuvent avoir les mêmes idoles, par exemple Edward Snowden aujourd'hui ou Julian Assange ou d'autres. Et on n'a pas trop parlé du caractère super ambigu, en fait, des technologies de l'information et de la communication, et de comment elles sont présentées comme des facteurs, en fait, de changement social, par des gens qui ont envie qu'il n'y ait pas de changement social, justement. Et on n'a pas trop allé voir de ce côté-là, en fait. On est resté sur des sujets qu'on maîtrisait mieux, plutôt que de dire des conneries. Voilà. En dire, c'est une chose, et les écrire, c'est plus... c'est toujours plus difficile à assumer. Enfin, et on a tendance à s'y accrocher. Du coup, effectivement, des fois, il vaut mieux être prudent. Et dans plusieurs des articles, là, notamment l'article du coup, sur le développement personnel, mais peut-être aussi sur celui sur l'autogestion et l'autonomie, il y a vraiment cette idée que... de replacer du coup l'individu et les rapports sociaux, et du coup de faire une critique dans ce dossier aussi de la lutte comme facteur d'une émancipation très personnelle, et de chercher à aller mieux, mais en fait dans un truc très hédoniste, peut-être de ça, et peut-être que, enfin, il me semble qu'il y a vraiment dans plusieurs des articles justement des invitations à penser les rapports sociaux, que ça produit différentes choses, comme du coup le développement personnel, même si c'est un truc qui a priori est très individuel, puisque c'est un certain nombre de publications et de choses comme ça qui s'adressent à une personne en disant que toi tu dois faire ça, mais en fait derrière ça il y a l'idée de se poser qu'est-ce que ça produit socialement sur tous les lecteurs et les lectrices de ce genre de publications. Développement personnel, qui est un objet qui est assez étonnant, parce que d'un côté ça donne le coaching en entreprise et la maximisation des capacités des individus, et puis de l'autre c'est un truc qui est vachement présent, en fait, dans la sphère écolo-alterno, ouais. Et puis y compris aussi je pense plus largement, en fait, dans le milieu militant, c'est un truc qui est pas mal compris comme t'as des structures, enfin le capitalisme, et puis diverses oppressions, notamment l'oppression des femmes, en fait, qui dégrade les structures mentales des gens qui y sont soumis, et en fait se rébeller contre, et puis se réinventer un peu, ça devient un geste anticapitaliste et antidomination assez fort, et finalement, en fait, c'est un geste. Mais par exemple, tous les écolos qui sont sur les médecines alternatives, parce qu'en effet, pourrir les gens de Médoc, c'est assez dégueulasse. Et puis la médecine, c'est une manière de ne pas s'adresser aux questions que posent les problèmes du progrès et tout. Mais finalement, on est dans une vision qui est assez individualiste, en fait, et puis où chacun est renvoyé à l'obligation d'être en bonne santé, d'être au maximum de ses capacités, et puis d'être autonome aussi. Et puis là, on part sur un autre article. Il faut que je dise, hein, que l'article sur le développement personnel, c'est l'article le plus long, en fait, qu'on ait jamais publié dans l'histoire de la revue. D'abord parce qu'on avait la flemme de faire des coupes, on avait la place, on avait une intervenante qui était un peu... qui nous avait... elle a fait faux bond. Et puis surtout, moi, j'ai vraiment adoré en fait ce texte. C'était une rencontre et tout. Donc c'est écrit dans une langue assez vivante. C'est une interview qu'on a fait de visu, qui est plutôt sympa. Et vraiment, c'est un auteur qui est super intéressant, qui bosse à Bruxelles et à Paris, qui s'appelle Nicolas Marquis, et qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Du bien-être au marché du malaise, et qui s'inscrit dans le cadre de critique de ce qu'Alain Renberg appelle la société de l'autonomie. Mmh. Et donc, en fait, il a une approche anti-individualiste vachement forte. Et il a fait il a fait sa thèse sur les lecteurs de développement personnel et les lectrices de développement personnel, et puis ce qu'ils ont un peu dans la tête et comment ils reçoivent ce qu'on lit. Et finalement, il a compris, en fait, de ce que leur disaient les lecteurs et les lectrices de développement, lui disait les lecteurs et les lectrices de développement personnel, que le développement personnel, c'était une espèce d'aristocratie démocratique, en fait. Et permettait à pas mal de monde, en fait, dans un monde, en fait, qui se vit comme assez démocratique et cultive l'égalité, de... les spécialistes des explosions, se détacher en fait de l'obligation de rester avec la masse et puis de devenir les êtres super brillants qu'ils sont en vrai, parce qu'on n'exploite qu'une partie des capacités de son cerveau. Et donc voilà, il revient sur toutes ces thématiques et tout, et notamment l'idée du changement social qu'ont en tête les lecteurs de développement personnel. Et c'est là qu'on s'aperçoit que dans l'écologie politique, il y a quand même des choses assez nauséabondes, en fait. Voilà. Mais moi, je veux bien qu'on parle de l'autonomie, en fait, du texte sur l'autonomie. J'avais préparé une question. Ah, super. Ah. Pourquoi l'autonomie offre tant de prises faciles au capitalisme, comme tu le disais tout à l'heure en introduction ? Eh ben, J'avoue que moi, je n'ai pas lu la revue, hein. je le dis. Tu n'as pas lu l'article qui s'appelle « Ma mairie est-elle devenue gauchiste ?» quand les élites vantent l'autonomie. C'est un article qui est assez rigolo, je trouve. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi qui l'as lu. Qui est écrit par un certain Lou Falabrac, oui, qui n'a encore jamais rien publié sous ce nom, qui est cadre à l'hôtel de ville de Paris et qui s'est retrouvé un jour à faire assister à une session sur l'autonomie par une intellectuelle dont on a retrouvé le nom, mais on va pas lui faire honte et tout, c'est Marilène Baquet, qui est vous la connaissez? Non. D'accord. non mais on va pas lui faire la... Ah si. Ouais, non, c'est juste que je voulais une bonne raison de ne pas la citer parce que j'avais oublié son nom, mais ça y est, je m'en souviens. Et voilà, qui est une nana qui est une intellectuelle qui est pas mal utilisée en fait pour sa pensée subversive dans le milieu militant, et qui notamment faisait un cours sur l'autonomie et qui débouchait, enfin, sur la capacité de chaque individu de se réapproprier en fait ses conditions de vie, et puis grâce à la procédure, à procéder de l'empowerment, en fait, de se réapproprier sa vie et puis de devenir autonome. Mais le tout, puisque c'était dans le cadre d'une formation à l'hôtel de ville, étant guidé vers la question: comment est-ce que les gens peuvent faire le boulot des fonctionnaires, faire tout seul le boulot des fonctionnaires, quoi, un genre de travail du consommateur, en fait, de quand il n'y a plus de fonctionnaires, est-ce qu'on ne peut pas dire aux gens do it yourself, autonomie, autogestion, camarade, quoi. Bah oui, un peu comme Ikea vante la capacité de chaque personne à construire soi-même ses meubles plutôt que de les avoir tout fait. Oui. Est-ce que fou aussi avec cette récupération du concept d'empowerment, qui est plutôt qui est du coup un concept qui vient des luttes sociales. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc de trajectoire de ces concepts-là, enfin, et alors je me rappelle plus bien, mais ouais, alors il y a une trajectoire, mais alors c'est peut-être pas celle que tu décris, parce que le truc, c'est qu'après, le soir même, ce monsieur qui est fonctionnaire va dans une librairie super sympa, autogérée, machin, et là on lui sert exactement le même discours, oui, avec l'empowerment, avec la capacité d'agir des gens, et avec aussi les savoir-être, les savoir-faire, et puis tout un registre, mais qui du coup est orienté vers la destruction des structures oppressives. Et en fait, c'est exactement le même discours, c'est exactement les mêmes sources, en fait, Marilène Baquet, c'est une personne qui a pas mal d'influence aussi dans le milieu. Et en fait, lui, en fait, il explique pas que c'est les milieux militants qui créent des notions pareilles, qui ensuite l'importent à la fac. Il explique plutôt que c'est des choses qui sont créées aux États-Unis, qui sont sur des registres un peu intellectuels, assez de philosophie politique assez différents des nôtres, et plutôt plus libéral, et qui crée des concepts, et notamment à l'université, et puis que ces concepts se diffusent après dans l'université des autres pays, et puis que finalement ils sont reçus par la sphère militante en France aujourd'hui avec un certain prestige qui est dû au fait que c'est des universitaires aussi qui sont engagés pour le changement social et tout, et puis que c'est des outils qui peuvent paraître assez intéressants aussi, notamment pour des féministes. C'est des trucs qui parlent pas mal aux féministes, l'empowerment. Mais en fait, si on regarde le tableau un peu plus gros, il y avait un problème avec cette idée que l'autonomie, c'est la capacité, voire l'obligation, à chacun de se prendre en main, quoi. Et quand tu dis autonomie et Sarkozy, ça veut dire mais prenez-vous en main les vieux, prenez-vous en main les handicapés, prenez-vous en main les pauvres, et puis débrouillez-vous, quoi. Donnez-vous vous-même un coup de pied aux fesses. Oui, ce qui n'est pas très facile en fait, mais... Ouais. Et ça revient... Enfin, du coup, ça... Je sais plus où j'allais, mais c'est tout un thème qui l'autonomie, et notamment cet appel à l'autonomie, un truc comme ça. Il y a vraiment un truc où c'est encore une autonomie qui est individuelle, et où du coup, par exemple, les lectures en termes de classe, elles sont complètement gommées, ou elles n'existent pas dans ce genre de truc. C'est-à-dire que c'est pas l'autonomie de la classe ouvrière ou l'autonomie des luttes des femmes, mais c'est l'autonomie de moi, de mon petit groupe, ou de mon projet, ou de... Et c'est vraiment un truc qui est individualiste comme ça. Ouais, c'est en fait, on passe d'une autonomie collective à une autonomie dont chacun doit se saisir à titre individuel sous peine de tomber dans, de retomber dans la merde, quoi. Et du coup, ouais, y a un truc comme ça un peu, je trouve aussi dans, je trouve aussi qu'il y a pas mal ça en fait dans le milieu militant, en fait, des trajectoires de développement personnel qui sont à peine collectives, en fait, et qui sont comprises comme des trucs ultra subversifs, en fait. C'est vrai que ça me pose un certain problème. Et ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir en parler de visu à Lille avec plein de gens. Parce que on faisait une rencontre à Paris dans la fameuse librairie dont il est question dans l'article de Lou Falabrac, avec Lou Falabrac et Nicolas Marquis. Et y a Irène Pereira qui a failli venir nous voir, et puis voilà, elle avait autre chose. Et elle me disait, Irène Pereira qui a écrit un article qui s'appelle Revenu garanti vers le travail invisible. Et donc elle me disait, mais j'avais vachement envie de venir pour parler de cette notion du bien-être, en fait. Et c'est quoi, dans une société qui nous met si mal à l'aise, c'est quoi la recherche du bien-être? Est-ce que c'est une recherche purement hédoniste et individuelle? Ou est-ce que c'est une manière de briser, tu vois, les tensions qui nous font machin, pour ensuite arriver à se trouver bien et se trouver bien toutes si c'est possible? Et donc le truc qui est chouette, c'est qu'on n'en a pas encore parlé, et qu'elle vient à Lille, et que donc ça sera l'occasion d'en discuter, et surtout je pense d'en discuter dans un cadre féministe, en fait, qui est celui de chez Violette. Ça sera le 24 mai à midi, on fait un on mange ensemble, en fait. Alors du coup, la rencontre en non-mixité, mais moi je trouve ça serait, enfin je sens bien qu'avec Irène on pourrait parler de ces questions, en fait, d'autonomie et de bien-être et tout ça. Et en revanche, après il y a une rencontre au CCL qui parlera plus du revenu garanti, mais ça pourrait aussi continuer sur cette question là Et du coup, ça, c'est le 24 mai, c'est ça? C'est un dimanche. C'est un dimanche dans 15 jours. Dans 15 jours, ça sera du coup en partie chez Violette et en partie au CCL. Save the date. Pardon. Ça sera chez Violette le midi et à 15h au CCL. Sachant que la première rencontre est en non-mixité uniquement entre femmes. Femmes trans, lesbiennes, cissexuelles, hétéros. Et en revanche, au CCL, c'est ouvert à tous. Yes. Et peut-être, est-ce qu'on peut peut-être faire une petite pause musicale, parce que on a pas mal parlé, il faut faire des pauses parfois. Juste rappeler qu'il y a un autre encart qui est cette fois plus proche, qui est dimanche aussi. C'est décidément les dimanches. Ouais, le dimanche, l'an 02 s'amuse. Ouais, c'est dimanche. Alors, on ouvre les portes de l'univers à 18h. Et à 19h, on présente un petit film en collaboration avec Chez Violette et Robin Desbiot, parce que c'est deux assos qui avaient envie de soutenir l'an 02. Et donc, l'idée, c'est surtout de récolter de l'argent. De récolter des sous pour payer l'imprimeur de l'an 02. Et puis le film, après, c'est un cycle, en fait, de films qui sont présentés par Robin Desbiot, qui est une association de promotion de l'agriculture bio, et Chez Violette, qui est une association, un centre de femmes, une association féministe. Et de montrer des parcours de meufs en agriculture. Et le film, c'est un petit film de 45 minutes qui raconte le parcours d'une agricultrice en devenir. Et voilà, qui, je pense, fait des herbes aromatiques et tout ça. Et puis se heurte pas mal au sexisme qui est présent dans la profession, comme dans certaines autres professions. Voilà. Yes. On se fait une petite pause musicale. Oui, j'ai choisi de passer Ecchymose, bonne année. Et du coup, ouais, c'est un morceau de Macage qui joue ce soir au Centre culturel Libertaire. Ah, d'accord. Voilà. Bon, on se retrouve dans deux minutes sur 106,6 Radio Campus Lille. Et vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00. La voix sans maître, et on écoutait à l'instant Macache avec un morceau qui s'appelle le Ecchymose Bonne Année. C'est La voix sans maître, et ce soir avec Aude Vidal de la revue, notamment de la revue L'an 02. Il fait plein d'autres choses aussi. Et du coup, on va continuer de discuter un petit peu de ce numéro qui vient de sortir là, du printemps 2015 de l'an 02, qu'on peut trouver au Centre culturel Libertaire, mais aussi dans plusieurs autres endroits à Lille. Voilà. Et on proposait de rediscuter du coup du revenu garanti, d'un article là-dessus. Du coup, un article de ce dossier Altercapitalisme qui propose du coup une critique de vision, enfin de pratique qui recherche une autonomie qui serait plus individuel qu'une autonomie, qu'un renversement des rapports sociaux, par exemple, c'est ça, si on peut opposer ces deux trucs-là. Et du coup, avec notamment plusieurs dossiers, du coup, on l'a dit tout à l'heure, là, le bio, par exemple, mais aussi le développement personnel, et puis notamment un article sur le revenu garanti avec Irène Pereira qui sera au CCL le 24 mai. Et qui fait... Et chez Violette, le 24 mai, aussi. Midi, chez Violette. Et du coup, qui fait une critique des revendications aux revenus garantis en 3 points, il me semble. Non, oui. Et ouais. Qui, alors, qui... Est-ce que tu les as annoncés ? Il va falloir que j'y aille. En fait, du coup, la revendication aux revenus garantis, c'est... tout un ensemble de revendications portées par des groupes différents qui prennent différentes formes toujours parce que faut quand même il y a de la diversité partout voilà c'est ça mais le principe quand même de base c'est de dire que chaque individu devrait pouvoir avoir des revenus décents qui lui permettent d'avoir une vie à peu près correcte et du coup, sans avoir besoin forcément d'avoir un travail productif. Mmh. Ouais. Et du coup, cet article fait une critique de cette revendication en développant plusieurs choses. Non, du coup... toujours pas. Alors, toujours pas. Très très longue boucle, très revenir. Et ben non... Non, c'est un article qui est un peu difficile en fait. Il faut que j'avoue qu'il y a deux articles à la fin du dossier. On les a mis à la fin parce qu'ils sont un peu difficiles. Et notamment celui-ci sur le revenu garanti. En fait, Irène Pereira, c'est une nana qui est à la fois philosophe et sociologue. Et puis et qui a fait un article sur la vision du travail en fait qui est aussi à l'œuvre quand on parle de revenu garanti. Et en fait, il y a une grande partie de son article. C'est un article qui reste assez court, qui est consacré en fait au travail invisible des femmes. Et elle fait la différence entre le travail productif et le travail reproductif, et puis la manière dont le travail des femmes a été un peu laissé de côté en fait dans l'analyse des rapports sociaux. Et donc elle se pose la question, elle y répond, mais j'ai pas trop compris non plus la réponse. Et elle se pose la question en fait de qu'est-ce que le revenu garanti il propose en fait sur cette vision-là du travail. Et tout ça pour dire que Irène Pereira c'est une auteure qui développe une vision vachement exigeante en fait de l'anarchisme à mon avis. Et avec des critiques très fortes en fait de tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à conformisme avec les idées libérales en fait qui traînent dans le reste de la société. Et du coup c'est une personne en fait je trouve qui est assez intéressante pour vraiment débusquer les faux jetons libéraux libertaires. Tu sais très bien que je déteste cette expression, mais tu as le droit d'utiliser. Et donc de les débusquer pour nous montrer qu'il y a d'un côté une idéologie libérale et de l'autre une idéologie libertaire et que mettre les deux ensemble est un non-sens absolu, que néanmoins ça traîne beaucoup et en fait elle est pas mal à les débusquer. Et moi, je suis assez contente qu'elle vienne la semaine, dans 15 jours, et parce qu'on va pouvoir discuter de plein de choses avec elle, et notamment de ses luttes contre le libéralisme qui innerve à ce point tous les lieux de cette société de merde. Et juste pour revenir sur cet article, là, il y a notamment un point de sa critique du revenu garanti, qui est de dire que les gens qui défendraient ce genre de revendications aurait une vision plutôt comment on peut dire méprisante envers le travail productif et notamment le travail des prolétaires, ou si on peut le dire comme ça un peu vite, des gens qui produisent à la fois les objets et ce qui nous nourrit, et que du coup derrière cette revendication de travail garanti, il y a plutôt l'idée de pouvoir avoir des activités soit artistiques, soit intellectuelles, et que ces activités-là devraient, enfin les personnes qui ont ces activités-là devraient pouvoir manger tranquillement. Et du coup ça cache vraiment qu'est-ce que c'est le travail, et je pense que du coup ça va vraiment, enfin ça va à l'encontre, enfin de d'idées de l'anarchisme qui dirait par exemple à chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens, qui est quand même une chose différente et qui cache moins non plus le fait que il y a besoin d'une activité qui permette notamment de nourrir les gens, et que derrière cette exigence que les artistes puissent manger en faisant leur activité. Ouais, je trouve moi aussi c'est une idée qui est un peu on va dire qui est un peu sous influence en fait de certaines classes sociales en fait qui sont très prescriptrices en fait, les artistes, les travailleurs créatifs aussi, et qui en effet tendance à invisibiliser encore plus certaines tâches en fait, et dans l'article elle parle beaucoup des femmes. Et puis elle parle aussi pas mal, enfin elle parle aussi d'une certaine manière de tous ces gens qui font un travail qui est pour le coup vraiment utile, comme par exemple nous donner à nourrir. Et c'est vrai que c'est assez, assez. Après, oui, moi ce que je pense hein, c'est qu'il y a un mépris de classe en fait dans cette vision du travail en fait, qui est pas du tout, enfin qui est très peu partagée en fait par les classes populaires. Et qui est surtout le fait de certaines classes sociales en fait, et donc ça va donner lieu à des chouettes discussions. Et d'autant que moi j'aimerais bien aussi, j'ai produit, sorti la semaine dernière, une brochure le 1er mai pour fêter les travailleurs, et une brochure qui s'appelle « On a les utopies qu'on mérite, le revenu garanti ». Et qui parle aussi de ça, de cette question de où en sont les inégalités, où en est le mépris de classe en fait, et les inégalités hommes-femmes. Et donc c'est cool, moi je serais assez contente de discuter avec elle. Et puis que pas mal de gens aussi qui sont un peu dubitatifs par rapport aux revenus garantis trouvent enfin de quoi en discuter sur d'autres modes que ceux de l'apologie et le solutionnisme avec la mesure qui sauvera la planète et foutra en l'air le capitalisme. Donc ouais, c'est cool, on va pouvoir en parler de manière à la fois sérieuse et détendue, comme ici. C'est ça. Moi, j'ai pas lu le texte et j'ai pas lu la brochure, mais je suis quand même dubitatif quand même. Oui, tout à l'heure, j'ai lu récemment un bouquin qui date de 1918 de Bertrand Russell qui s'appelle Le monde tel qu'il pourrait être, dans lequel il présente différentes visions révolutionnaires, et notamment la vision anarchiste qui est à l'époque celle qu'il considère la plus séduisante pour lui, dans lequel l'un des objectifs des anarchistes, selon lui, c'est que chaque personne puisse avoir à volonté accès à tout ce qui permet de vivre. Et notamment, ça s'appuie sur le fait que il y aura peu finalement de personnes qui seront avec des comportements de profiteurs ou de profiteuses par rapport à une de ces sociétés-là, et que donc effectivement le fait d'apporter gratuitement tout ce qui permet de vivre est un mécanisme qui est bien. Ouais, dans ce cas, il faut sortir du salariat et de l'argent, et il faut sortir de plein d'autres choses en fait, que la distribution par l'État de quantité d'argent à tout le monde. Mais je pense que ça serait cool que tu viennes le dimanche 24 mai à 15h au CCL 4 rue de Colmar. J'aurais le droit de dire pourquoi j'aime pas l'expression libéral-libertaire. Ouais, t'auras le droit, ouais, surtout avec Irène et tout, ouais. D'ailleurs, je crois qu'elle ne l'utilise pas non plus, donc... Super. Bah, si on n'en parlait pas, ce serait aussi bien. Peut-être pour conclure, on peut causer de la quatrième de couverture de l'an 02. Alors, peut-être faire une description de... Non. Ah oui, alors c'est une photo. C'est une photo merveilleuse quand même. C'est une photo avec un joli petit chien en fait qui a une sucette dans la bouche, dans la gueule, pardon, on dit pour les chiens, et puis qui regarde en haut avec un petit air, comment on pourrait dire, un petit air attentif. Qui appelle. Ouais. Non. Ouais. Et alors c'est un chien en fait qui. C'est un chien qui accompagne la vie d'un usager de drogue qui est passé dans un centre où travaille le photographe qui l'a fait. C'est un centre à Bordeaux et le photographe s'appelle Maxime Couturier. Et voilà, il a une série de photos, de portraits de chiens de chiens de punk en fait. Et c'est plutôt sympa. Et le message c'est arrête de gueuler, je vais pas t'oublier. Voilà, et du coup on arrive à la fin de cette émission. Et le personnel de Bricolage pour tous rentre dans le studio, voilà. Chargé de ses vinyles, ou d'autres choses. Et du coup on vous dit à la semaine prochaine, on rappelle que si vous voulez venir au CCL ce soir, il y a une soirée de soutien.